connaissiez son histoire, vous le verriez sous un autre jour. Entendez-vous dans la nuit sombre le bruissement léger du nom, celui qui sort de sa tanière, c'est la légende de Badger. Façade frêle se cache une âme noble et pure. Chaque soir il entend l'appel de ses futures aventures. Entendez-vous dans la nuit sombre le bruissement léger du nom, c'est lui qui sort de sa tanière, c'est la légende de Badger. Dans son éclatante armure, son épée au service du bon droit. Le voilà le fléau des immondes créatures qui menacent le royaume et la loi. Quand les monstres s'approchent, exécrables pourritures, quand nous avons perdu tout espoir. De la nuit, le voilà de retour sur terre inconnue, réduit la journée à son gagne-pain de misère. Peut-être l'avez-vous croisé, mais bien sûr, vous ne vous doutiez pas que le bléau, comme vous disiez, était peut-être plus que ça.